inspecteur, moi je ne sais rien par cœur. Oui, je suis le dernier, je passe pour un cuistre, mais je m'en fous, je suis près du radiateur. Tous les mardis à 19h. Yeah. Vous écoutez l'émission Au fond près du radiateur sur FPP 106.3. Non, truc de dingue, truc de malade, truc de psychopathe, truc de fée, truc de strong. Au fond près du radiateur. On doit continuer le combat contre le racisme, contre la violence policière, contre le travail qui nous tue, contre le chômage, contre la dégradation des quartiers populaires. La seule alternative pour nous, c'est la lutte. C'est la lutte. C'est la lutte. 106.3. Radio fond près du radiateur. On ira jusqu'au bout. La force des travailleurs. Voilà. Non pas Saran. Grève générale. Et rien d'autre. Et il faut qu'on soit déterminés dans nos actions. Et on ne doit pas lâcher. On ne doit pas lâcher. Et si on est tous ensemble, on va y arriver. C'est pas eux qui vont décider de notre vie. C'est pas eux qui vont décider de notre vie. Yo, au fond près du radiateur, man. Tous les mardis soirs, 19h, FPP 106.3 FM. Ha! You want me to hide all my feelings? Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Au fond près du radiateur, comme tous les mardis soirs de 19h. À 20h30, on est rediffusé le vendredi matin de 7h à 8h30 sur les mêmes ondes. On a un site internet, c'est le www.aufondprèsduradiateur.fr où vous pouvez réécouter toutes nos anciennes émissions et une adresse mail pour nous envoyer des remarques, des infos, des contre-infos, des sons, de ce que vous pensez, ce que vous voulez savoir. C'est aufondprèsduradiateur, tout en attaché, tout en minuscule, @no-log.org. Et ben voilà, on est en direct sur Fréquence Paris Pluriel. On est une équipe réduite ce soir. Il y a Raphaël qui est à la technique. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et moi-même, voilà, au studio, à l'animation. On a un programme assez réduit, mais assez chargé quand même. On vous a concocté deux petits reportages. Le premier, c'est sur La Parole Errante, du coup, ce lieu, ce centre social autogéré qui est à Montreuil et qui est sur le point de fermer. Il y avait un rassemblement dimanche dernier devant La Parole Errante à Croix-de-Chavaux, une déambulation dans Montreuil. Voilà, on est parti prendre un peu de son, voir qui étaient les différents activistes de ce lieu, qui étaient les différentes personnes qui fréquentaient ce lieu. On vous a concocté un petit montage. Et dans une seconde partie de l'émission, Raphaël est parti poser son micro à une réunion des grévistes de la mairie de Saint-Denis. Je vais le laisser expliquer d'ailleurs. Ouais, Tom, en deuxième partie d'émission, on va en fait, c'est à la mairie de Saint-Denis. Il y a eu un gros mouvement de grève, vraiment, c'est un des plus gros. Les gens disent qu'ils n'ont jamais vu ça, que ça fait 20 ans qu'ils travaillent à la mairie, par exemple. Pour ceux qui travaillent depuis 20 ans, ils n'ont jamais vu ça. Il y avait plus de 800 grévistes sur 3000 travailleurs à la mairie de Saint-Denis, par exemple. Et en fait, c'était déclenché parce que bêtement, l'équipe municipale s'est dit on va s'attaquer à tous les agents et on va leur supprimer 15 jours de congé par an, les faire travailler 15 jours de plus. Et donc forcément, les gens sont attachés à leur temps de repos, etc., à la vie en dehors du travail, etc. Donc ils se sont défendus, ils ont gagné en 3 jours. Donc c'est un mouvement ultra massif, ultra joyeux, ultra intéressant. Et du coup, on remercie Yasmina aussi, donc qui a co-organisé ce reportage. Et on s'est posé avec Amel, Loïc, Chantal et Natacha, du coup, qui nous racontent un peu leur mouvement, tout ça. Ça sera la deuxième partie de cette émission. Et je crois, en tout premier, tu voulais écouter un peu de musique, Tom. Moi, voilà, je voulais déjà passer une grosse dédicace à tous les gens de l'émission qui n'étaient pas là, c'est-à-dire Yano, Mouloud, Robinson, Mustapha, voilà, une grosse pensée à Cuche aussi, qui est à l'autre bout de la planète. et puis tous les copains, toutes les copines, et puis vous, les auditeurs. Et voilà, moi, je voulais passer un son parce que c'est vrai qu'on n'était pas là ces dernières semaines et qu'il s'est passé quand même quelques trucs dans le monde entier, et pas que dans le monde militant, dans le monde de la musique aussi. On a perdu une grande artiste qu'on aime beaucoup, en tout cas à l'émission, c'est Sharon Jones. Voilà, une grande chanteuse de soul qui était là dans les années 80 déjà, et qui a lutté contre un cancer. Et voilà, nous, ça nous tenait à cœur un peu de lui rendre hommage, de passer un petit son. C'est chez Dapton Records, c'est 100 Days, 100 Nights. On s'écoute ça tout de suite et on revient pour la première partie de l'émission au fond, près du radiateur. Vous êtes de retour dans l'émission Au fond, près du radiateur, comme tous les mardis soirs de 19h à 20h30. Voilà, moi je voulais vous rappeler quand même un petit peu c'était quoi le principe de cette émission, puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup d'habitués qui nous écoutent, on les remercie, et puis il y a des gens peut-être qui tombent sur nous un petit peu par hasard en rentrant du boulot, voilà, qui sont dans leur voiture. Nous, c'est Au fond, près du radiateur. On existe depuis plus de 10 ans maintenant. C'est une émission qui s'est créée, voilà, autour des luttes sociales, notamment autour des luttes qu'il y a pu y avoir voilà, contre le CPE, contre la loi Fillon en 2005-2006, et qui a perpétué voilà, cette habitude de suivre différentes luttes. Et voilà, ça fait 10 ans qu'on dure, qu'on refuse toute publicité, qu'on est sur FPP et qu'on donne la parole à ceux qui ne l'ont pas forcément. On va pas aller chercher les représentants de telle chose ou telle chose. On va prendre les gens qui ont des choses à dire, mais à qui on ne tend pas le micro. Bah voilà, on va attaquer tout de suite le premier sujet. Bah dans ce cadre-là, il y a un lieu qu'on affectionne particulièrement. Notamment, voilà, que ça soit FPP ou au fond près du radiateur, on a organisé pas mal de soirées là-bas, les FPP de partie, pour ceux qui ont pu venir, pour ceux qui ont pu voir la belle réussite que c'était à la Parole Errante, c'était en avril d'il y a 2 ans, la dernière. Et là, cette Parole Errante, du coup, qui est un lieu d'échange, de rencontres, d'organisation, qui est en fait un centre social autogéré, ce qu'on appelle un centre social autogéré, et menacé d'expulsion. Alors, je vous explique, en fait, c'est le conseil régional qui avait en 2000 déjà donné un premier bail de 9 ans qui avait été reconduit jusqu'en 2017. Là, on arrive le 30 décembre, du coup, dans 2 semaines, à la fin de ce bail-là. Et au lieu de reconduire ce bail comme ça a pu être fait les autres fois, ils ont décidé qu'ils en avaient marre. Ils ont lancé un appel d'offres pour qui veut répondre et récupérer ce lieu, avec bien sûr dans cet appel d'offres des points qui se rapprochent beaucoup du fonctionnement de la Parole Errante. Notamment voilà, sur l'organisation du lieu, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais voilà, du coup, des différentes personnes ont répondu à cet appel d'offres dans le but de virer les gens qui ont pu mettre en place la Parole Errante. Je rappelle que c'est un lieu quand même qui existe depuis 1986 dans ses locaux. C'est un lieu qui se situe à Montreuil, voilà, qui a un fort passé, une ville avec un fort passé travailleur et voilà, plutôt de gauche, qui n'a pas rien à faire dans ce quartier-là. C'est Armand Gatti qui est à l'origine de ce projet-là, qui voilà, c'est un lieu où on peut y voir du théâtre, des concerts, des réunions, un peu tout ce qu'on a envie d'y faire, et puis sans avoir à constituer de dossier ou quoi que ce soit, c'est un lieu vraiment très très bien. Et du coup voilà, il y a différentes personnes qui répondent à l'appel d'offres pour récupérer ce lieu. Dans ces différentes personnes, il y a les Jeunesses Musicales de France. Voilà, que tout est dans le nom, c'est quelque chose en rapport avec la musique, très institutionnelle. Main d'œuvre, voilà, qui sont des personnes qui ont un collectif qui a déjà une salle à Saint-Ouen, voilà, beaucoup plus axé autour du théâtre. Et le collectif La Parole Errante Demain, qui est le collectif de La Parole Errante aujourd'hui et qui a répondu aussi à cet appel d'offres. Bah, écoutez, je propose que en fait le reportage parle de lui-même. On a interviewé différentes personnes, que ce soit des personnes qui font partie du collectif Parole Errante Demain, ou bien encore de simples usagers, ou bien de simples Montreuillois qui nous disent un peu ce qu'ils pensent de ce lieu-là. On s'écoute ça tout de suite au fond près du radiateur. La radio Fréquence Paris Pluriel, l'émission au fond près du radiateur. On voulait savoir si tu voulais bien nous dire un petit peu ce qui se passait, pourquoi on était là aujourd'hui. Oui, rapidement, donc du coup on est le collectif La Parole Errante Demain. Le bail de La Parole Errante s'arrête le 31 décembre et on a absolument l'intention de rester à La Parole Errante. Alors pourquoi il s'arrête le 31 décembre, sur décision de qui ? Du conseil départemental à qui appartient le lieu, qui a fait un appel à projet pour voilà, pour choisir le nouvel habitant de ce lieu. Et du coup, qui est-ce qui est susceptible de reprendre ce lieu-là ? Alors les gens qui, en sachant qu'on allait être expulsés, du coup, ont répondu à l'appel à projet sans s'inquiéter pour nous. Il y a main d'œuvre, enfin, il y a plusieurs candidats pour l'instant. Donc il y a main d'œuvre, du coup, qui est voilà, à Saint-Ouen. Il y a les Jeunesses Musicales de France. Et c'est quoi un peu, là, si tu peux nous dire ce que c'est La Parole Errante, ce que c'est comme lieu, pourquoi c'est important que des lieux comme ça puissent exister, surtout à Montreuil? Bah, La Parole Errante, c'est un lieu, enfin en tout cas on veut et on souhaite continuer à faire en sorte que ce soit un lieu d'expérimentation sociale, politique et culturelle. Déjà pour le décrire, c'est pour décrire la parole errante, c'est comment ? C'est une grande salle où il y a beaucoup d'événements publics. C'est une grande salle, l'une des seules salles sur Paris qui peut contenir jusqu'à peut-être 1000 personnes comme ça pour des événements militants ou culturels. Ouais, qui n'aurait pas du tout accès à l'espace. Et en plus, c'est un grand espace où il a toujours été décidé que d'une manière ou d'une autre, l'argent ne devait pas être une frontière. Et que les gens qui n'ont pas du tout les moyens habituellement de monter des grands événements et tout ça puissent bénéficier de l'espace voilà, selon leurs moyens, quoi. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu c'est quoi la suite pour vous en fonction de la réponse de l'appel d'offres? Bah, là, on a trois options. C'est soit ils choisissent qu'on reste, qu'ils nous étonneraient vraiment, enfin voilà, sans tutelle. Soit, donc dans ce cas-là, du coup, ça va être plus des stratégies de rapport de force de base, d'occupation du lieu, et voilà. Sinon, on a une autre possibilité, c'est qu'ils choisissent en fait de nous laisser rester pour pas qu'on s'énerve, mais nous obliger en fait à rester sous la direction en fait d'un quelqu'un qui a répondu à l'appel à projet. Et c'est que vous un peu ayez confuse. Le lieu, quoi. Ouais, bah, soit on a le lieu, soit il nous oblige à composer avec des gens. Et là, il y a toute une réinvention politique qui va devoir être faite ces prochains temps sur comment est-ce qu'on tient dans des rapports de force en fait quotidiens et comment on arrive quand même à faire notre expérimentation à nous et à pas se laisser écraser. Après, là, on est aussi sur un projet de reprise de la parole errante qu'on fait vivre depuis plusieurs mois. Mais on sait aussi que c'est un lieu qui n'est pas forcément connu de tous les habitants du quartier de Montreuil. Donc l'idée, c'est de dire que c'est vraiment un lieu qui va être ouvert aux gens et eux, où ils vont pouvoir vivre les mêmes choses que nous en termes de réseau, de possibilités d'organiser des événements de là-bas, de venir même s'ils n'ont pas d'argent et de passer des moments un peu en gratuité où cette question-là, elle ne se pose pas. Et donc voilà, l'idée c'est un peu ça. Et du coup, ouais, il y a un projet de centre social autogéré. Ça s'appelle La Parole Errante Demain, c'est ça? Et c'est vous qui avez postulé pour reprendre le lieu, que vous participez déjà au lieu. Et pour continuer et que celui-là reste dans le même esprit, que ça ne devienne pas un lieu culturel branché à la con, comme il y en a plein et tout. Ouais. Avec tout le respect que j'ai pour les gens qui font des trucs culturels, mais là ça serait un peu un truc institutionnel, coupé de la population et tout ça, quoi. Et géré entièrement par la mairie. Depuis plus de 6 mois, les anciens gestionnaires de la parole errante, ils nous ont laissé la place pour déjà mettre en place ce qu'on voulait. Du coup, il y a une programmation qui est ouverte. Il y a 2 rendez-vous par mois de programmation. Pour toutes les personnes qui veulent faire des choses, qui peuvent s'y rendre et dire moi j'ai envie de monter ce projet-là, j'ai envie de faire cette représentation de théâtre ou ce concert de soutien à tel ou tel. Et donc ça fonctionne déjà en fait. Et après pour parler, on a un espace qu'on appelle pour l'instant le centre social, même si on espère que c'est tout le lieu qui va devenir un centre social. Et cet espace-là, c'est aussi ce qu'on sait que les lieux culturels, ça peut être particulièrement violent, renvoyer une certaine violence symbolique aux gens, c'est pas forcément des endroits où tout le monde est à l'aise et tout ça. Et donc on a un espace avec des activités gratuites ouvertes à tout le monde, qui sont proposées par les usagers même de l'espace, enfin il n'y a pas de séparation entre ceux qui organisent et ceux qui font, et qui sont pleins d'activités, que ce soit des jeux pour enfants, pour tous les âges, quoi. Et du coup qui sont aussi quelque chose qu'on aimerait bien faire tenir dans ceux qui est toujours... Et là, juste la librairie, puisqu'il y a une librairie aussi qui dépend de la parole errante. Ouais. C'est quoi son avenir à elle? Elle fait entièrement partie du collectif La Parole Demain. C'est-à-dire que si le lieu ne vous appartient plus, cette librairie-là aussi est récupérée par la personne qui répond à l'appel d'offres. Eux, je pense qu'ils vont essayer éventuellement de faire des particularités entre les espaces, mais enfin, nous, on est tous solidaires et on est tous ensemble, et il est hors de question qu'ils puissent décider qu'un espace reste ou qu'ils puissent décider de la politique, de la manière dont cet espace va vivre et va être géré, quoi. Donc, on est, nous, sur une modalité autogestionnaire et voilà, et solidaire. Donc, de toute manière, on restera tous ensemble. Bonjour. Bonjour. Alors du coup, vous êtes aujourd'hui, vous êtes déguisé en renard carotte. Vous avez mis une combinaison de renard carotte un peu. Voilà, c'est parce qu'on fait partie de l'association Pot of Prod et on soutient la parole errante. D'accord. C'est un collectif de renard carotte qui soutient la parole errante. Pot of Prod, c'est une association d'artistes de tout genre qui réunit plein de sortes d'artistes, des stylistes, des peintres, du théâtre, du cinéma. Fait des chars de rue, des tas de choses comme ça. Okay. Et on est non conventionnel, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas de gagner notre vie en tant que renard, mais on essaye juste de promouvoir la culture de la rue, la culture gratuite et pour tout le monde avec un bon bol de soupe. Yes. Et du coup, par exemple, le projet de la parole errante demain, il est un peu en opposition avec d'autres projets artistiques qui seraient plus conventionnels. Et pourquoi vous allez vous retrouver plus dans le projet de la parole errante demain en tant qu'artiste, plutôt en tant que renard carotte artiste, plutôt que les autres projets comme main d'œuvre ou des choses comme ça, quoi? C'est-à-dire que nous, on est un collectif d'artistes non conventionnels aussi, c'est-à-dire qu'on a essentiellement joué dans la rue ou dans des squats. Et on n'est pas habitué, on n'a pas de secrétariat à faire des dossiers, des demandes de subventions. Donc quand on cherche un local, qu'on tombe sur la parole errante maintenant, c'est vachement bien parce que justement, ils ne nous demandent pas de dossier, ils nous font confiance, on peut avoir ce lieu, et puis ce lieu fonctionne pour plein d'autres gens qui n'ont pas de place dans les autres lieux subventionnés. Alors celui-là, va-t-il durer? Toute la question là, parce qu'effectivement, c'est une sacrée respiration pour une ville comme Montreuil d'avoir un lieu comme ça ouvert à toutes sortes de projets hétéroclites, non conventionnels, et qui ont toute leur place dans ce lieu assez grand et assez intéressant pour s'exprimer. Okay. Et si par exemple la parole errante s'affirme aujourd'hui tel que c'est, si tout cet aspect-là d'accès le plus large possible, ça disparaît, qu'est-ce que vous allez faire ? Oh bah nous on continuera, ça fait quelques années qu'on participe à la parole errante, mais on faisait des choses dans la rue avant et dans les squats et on continuera. Il peut se passer bien ce qu'il veut aux élections ou ailleurs, ça ne nous empêchera pas de continuer à faire notre boulot. Mais ce que je voulais dire pour la parole errante, pour continuer à se battre pour ce lieu-là, qu'est-ce que vous allez faire ? Oh nous on est là, on soutient et puis s'il y a des actions on les soutiendra. Maintenant, ça serait chouette que ça soit la même équipe qui continue à la programmation, comme je vous dis, parce que ça sert à beaucoup de Montreuillois. Okay. Vous êtes Montreuillois vous-même, le collectif ? Oui, Montreuillois, Charentais, de Feltin, de partout, même il y en a qui viennent d'Iran, de Créteil, de partout, vraiment. C'est-à-dire qu'à la base, on était à Montreuil, et puis c'est devenu tellement cher, et les enfants qui grandissent et tout ça, les gens ont préféré partir à la campagne pour avoir un jardin. Mais ils reviennent quand on fait des événements, parce que ça continue. Vous voulez rajouter quelque chose pour terminer le mot de la fin ? Non, c'est bien de parler de ça et que ça dure, quoi. Vive FPP aussi, vive la parole errante et vive FPP. Et dédicace à monsieur le dérailleur et monsieur le colonel. Et vive Pot of Prod. Et pour décrire votre costume, vous êtes tout en orange, avec une grosse tête de renard tout orange. Moi, ça me fait penser à un renard carotte, mais... Il y a une pièce de théâtre et tout avec... La pièce de théâtre, c'est un énorme foucoupe de 8 mètres de diamètre en sac plastique scotché qui se gonfle à l'air pour faire entrer le public dedans et ça parle des extraterrestres. Et les oranges, les renards carottes, puisqu'ils se frottent tout le temps et ils mangent de la carotte, vous avez bien trouvé l'origine du renard. Nous sommes les renards carottes. Okay. pas vu ton pote. Je trouve que c'est chouette qu'il y ait encore des théâtres un peu libres avec de la culture populaire et que ce soit pas que tenu par des réseaux institutionnels avec des lignes de programmation hyper consensuelles et que je trouve ça chouette qu'il y ait un espace comme ça. Ouais, un théâtre libre et populaire, quoi. Il n'y en a plus. Donc voilà. En gros. Parce que pour vous, c'est surtout un théâtre, la parole errante et tout ça Bah ouais, parce que moi je connais pas trop, mais pour moi à la base c'est un théâtre. Après, je sais qu'il se passe plein d'autres choses. Mais pour moi, c'est un théâtre à un sens social autogéré. Mais c'est un lieu culturel et social, mais okay. Et ça va ensemble. Enfin, C'est quoi un centre social autogéré exactement pour moi, un centre social autogéré, c'est un centre social, mais autogéré. avec des gens qui font des ateliers, pareil, hors circuit institutionnel, et tout ça de façon gratuite. Et voilà, en essayant de créer des liens avec les gens du quartier. Modèle italien, quoi. C'est aussi un lieu de lutte. Quoi. Parce que ça vient d'Italie un peu, les centres sociaux, le mouvement des centres sociaux. Je sais qu'il y en a beaucoup en Italie. Après, voilà, je sais que dans toutes les villes d'un certain un peu important, il y en a un. Quoi. Okay. Voilà. Et ça peut être quoi les activités concrètement qu'il peut y avoir dans un centre social Ça dépend des gens qui le fréquentent, mais il peut y avoir et un accès à internet libre et des ateliers de théâtre, de musique, de son, de voilà, à peu près tout ce qui sont les intervenants quoi. Ok. Bah, la parole errante, c'est un lieu unique, il n'y a que ça, il n'y a que la parole errante qui est un lieu où il peut y avoir des associations militantes, qui peut faire des trucs, des concerts de soutien, des AG là-bas aussi facilement, rapidement. Il peut y avoir aussi des trucs culturels qui sont vachement intéressants, qui se passent et qu'on ne voit pas ailleurs. Et du coup, remplacer ça par un centre d'art comme il y en a plein dans la région et en Ile-de-France, c'est un peu dommage parce que ce lieu-là, il est parfait à l'endroit où il est et ça serait dommage de le voir mourir alors que ça fait partie de la vie de Montreuil. Et en tant que Montreuilois, ça fait plaisir d'avoir un lieu comme ça où on peut se réunir régulièrement pour des trucs où on n'a pas l'habitude, où on n'a pas toujours la possibilité d'avoir des événements comme ça, quoi. Tu vas souvent, toi, à la parole errante ? Ouais, régulièrement. Une fois tous les mois, une fois tous les deux mois, quelque chose comme ça dépend. Tu peux dire un peu, désolé, mais c'est quoi un peu les trucs auxquels tu as assisté là-bas, où tu as participé, les concerts, les assemblées générales, comme tu disais, les mouvements qu'il y a eu là-bas, je sais pas. Comme ça, en vrac, il y avait FPP Dub Party, il y a un an, comme ça. Ouais, soirée de soutien à Fréquence Paris Pluriel. Voilà, exactement. Il y avait un moment, juste après l'assassinat de Rémi Fraisse, il y avait une assemblée générale qui s'était faite genre le lendemain ou sur le lendemain, enfin assez rapidement. Moi, je veux juste dire que c'est un lieu qui est implanté dans Montreuil depuis longtemps et on peut croiser aussi plein de gens de tous âges et tous milieux. Et puis c'est aussi intéressant que... Voilà, ça fait partie de l'histoire de Montreuil, ça fait partie de l'histoire de la ville et du coup c'est dommage de raser une part de l'histoire comme ça, quoi. You leave your home for days and days. I said, I know you got another woman somewhere around. Hey, I'm a good woman. I'm a good woman. I'm not a bad woman. So don't treat me like dirt. If I put on a nice dress, baby, you wanna start a fight. Even my next door neighbor noticed the shape I'm in. They're all off talking. Even my so-called friends. Now I know what I'm gonna do. I'm gonna move. another woman somewhere around. You leave your home for days and days, and I know, I said I know, you've got another woman somewhere around. I'm a good woman. I'm a good woman. I'm a good woman. I'm not a bad woman. I'm a good woman. Don't wanna leave you. A change gonna come. Vous êtes de retour dans l'émission Au fond près du radiateur, comme tous les mardis soirs de 19h à 20h30. On vient de s'écouter un reportage qui a été fait dimanche dernier, le 11 décembre, à Montreuil, au niveau de la Croix de Chaveau. C'était une mobilisation contre la fermeture de la parole errante. Voilà, je voulais juste revenir. En fait, le bail a été cédé par le conseil départemental et non pas le conseil régional. Nous, on vous invite à vous tenir informés de tout ce qui peut se passer dans ce lieu jusqu'à la décision. Et puis même après la décision, il y a différentes opportunités, différents choix en fait, qui vont s'offrir suite à la décision. Soit ils récupèrent ce lieu-là, le collectif La Parole Demain, et tout va bien, mais ça semble pas du tout gagné d'avance. Soit du coup, un des deux autres collectif récupère ce lieu-là et accepte que la parole errante puisse continuer à faire des événements dedans, mais ça paraît un petit peu louche quand même. Et la troisième, c'est qu'il n'est pas du tout accès à ce lieu-là, qu'il n'est plus accès. Et dans ce cas-là, continuer la mobilisation pour ce lieu-là, parce que c'est un lieu très important dans Montreuil. On va peut-être faire une petite pause musicale avant de continuer sur le deuxième sujet, qui est la rencontre avec les grévistes de la mairie de Saint-Denis, pour annoncer le son qui va passer. C'est une petite surprise, c'était pas au sommaire, mais on va kiffer vous faire écouter ça. C'est Unico Gris, c'est tout nouveau, ça sort du four, et vous aurez même le droit à la première petite interview exclusive du MC à la fin de cette émission. On s'écoute ça tout de suite et on revient au fond près du radiateur. No words, only a feeling. No questions, only a light. No sequence, only a being. No journey. Only a dance. Dans Eurosia, heure cartoon, dure qu'un moment. C'est jetailleuse pour le bonheur, on vit tous n'importe comment. T'aimes les rêveuses mais tu rêves que quand tu dors. Pour toi c'est même pas important, comme la couleur des vêtements, tant qu'on reste bien portant. Devant des jeans ou à la plage, on se voit prendre le large. On parle et au final on se voit prendre de l'âge. En manque de place, on n'est qu'une bande de barges. Tous ensemble contre les bourges, on se voit pas prendre d'otages. Mais devant l'occasion, on se voit prendre le cash. On passe en blague, on drague, on passe en prendre le flash. Écoute-moi, si t'es en manque de basse, laisse piailler, c'est qu'une bande de nazes. Laisse-les parler, je blesse le cahier, j'ai de l'encre tenace. Je pourrais rapper dans la langue de Nas, mais comme personne ne capte le verbe, je pose mon slang dans cette langue de merde. No words, only a feeling. No questions. Je suis un rêveur, rien qu'un rêveur, oui, juste un rêveur. des traders. J'suis un rappeur comme à Brooklyn. On sait jamais que tu me prenais pour Bourville. C'est le bruit de l'extraordinaire, pas la bande son de la routine. C'est pas le charlet, c'est le son de la goupille. Leur monde est tellement falche que t'aimes à tout brille. C'est le tourné anonyme dans nos tours grises. Pas de fil, pas de coup de fil, les mecs trahissent pour un double shit, ça sourcille. Faut mon bout de shit quand t'ouvris, mec, faut se remettre les fougies. Mais jeez, fous se conditionne sous tease afin d'éviter de souffrir comme dans ton taf. J'traîne avec des gens qu'on inf, pas des gens qu'on soit. Pourtant, comme l'impression de passe parler quand on se capte, ou plus se parler quand j'suis dans ton casque. On envoie des sourires quand on passe. Je suis pas ton gars, non, tu n'es pas ma gare. Surtout, te mets pas à ma place si tu veux que ça le fasse. J'suis un rêveur. No sequence, only a being, no journey. J'suis un rêveur, rien qu'un rêveur, oui, juste un rêveur. Prends mal à tout aujourd'hui, être un rêveur, c'est forever, oui, rien qu'un rêveur. Et je ne rêve plus la nuit, I'm a daydreamer. Ok, vous êtes bien de retour sur Fréquence Paris Pluriel, c'est l'émission Au Fond Près du Radiateur, comme tous les mardis, 19h-20h30. Merci d'être avec nous, on est aussi rediffusé le vendredi matin de 7h à 8h30 du matin sur la même antenne, 106.3 FM. Voilà, donc c'était un son du Nico Gris et tout, qui vient de nous rejoindre avec Sofiane et tout, ça fait plaisir. Salut Raph, salut tout le monde, salut Tom. Ça fait plaisir. Et du coup, bah, on aura l'occasion d'écouter un peu d'autres sons à la fin de cette émission. J'espère. J'espère aussi. Et là, du coup, on voulait passer au deuxième sujet. Donc voilà, c'est à l'occasion d'une grève qui a eu lieu à la mairie de Saint-Denis. Parce que, donc, comme je vous le disais en début d'émission, il y avait un projet de la mairie de supprimer 15 jours à peu près de repos, plus des semaines de vacances pour les anciens, des choses comme ça. En gros, de faire travailler tout le monde plus longtemps, alors qu'on sait que c'est difficile pour les travailleurs de la mairie de Saint-Denis, dans le sens où c'est une ville qui est en constante augmentation en termes d'habitants, mais le nombre de salariés à la mairie pour accueillir les habitants dans les différents centres de santé ou centres de loisirs ou les écoles ou voilà, là où ils travaillent dans les cantines, les personnels de là-bas, ben, il y a de moins en moins de personnel, les gens sont déjà sous pression au travail et là on leur demande d'en faire encore plus. Et enfin bon voilà, c'était 3 jours après la fin de la grève, donc c'est une grève qui a été ultra massive, super suivie par les travailleurs de la mairie. Il y a eu à peu près 800 grévistes et du coup là en 3 jours de grève, franchement la mairie, ils ont fermé leur bouche directe, ils ont abandonné totalement le projet. Et il y avait vraiment un rapport de force, une joie et tout dans ce mouvement. Et donc on s'est posé avec 4 grévistes, avec Natacha, Loïc, Amel et Chantal, donc, qui travaillent dans différents secteurs de la mairie de Saint-Denis chacune, et qui nous racontent un peu ce mouvement et voilà ce qu'elles en ont pensé, comment ça s'est construit. On vous laisse écouter ça tout de suite. C'était juste pour dire en fait merci à Yasmina aussi, donc qui a organisé cette interview et tout, et qui nous a proposé de le diffuser sur cette antenne. Et donc merci à Amel, Chantal, Loïc et Natacha d'avoir bien voulu discuter un peu avec nous. Voilà, on vous laisse écouter ce reportage. Fréquence Paris Pluriel, Au Fond Près du Radiateur, gardez l'écoute. Bon alors. Vas-y. Bon alors, moi c'est Chantal. Je suis gardienne à l'école Jules Guedes. Je fais partie du syndicat Sud. Et voilà, j'ai participé au mouvement sur la case des congés à la ville de Saint-Denis. Et moi c'est Amel. Je travaille à la direction de la culture où je suis médiatrice culturelle. Je suis syndicat Sud. Et j'ai participé au mouvement contre la case de nos congés. Je m'appelle Loïc. Je suis animateur au centre de loisirs sur les Guedes dans le centre-ville. J'ai participé aussi au mouvement. Alors moi, c'est Natacha, je suis directrice d'un centre de loisirs sur la ville et je suis aussi syndiquée à Sud. Et j'ai participé aussi à ce mouvement de lutte concernant nos congés. D'accord. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistait le projet que vous a présenté la mairie par rapport à vos congés, à l'absentéisme, qui a été le point de départ de la mobilisation ? Alors ? Il y a plusieurs points. Il y a l'absentéisme. Donc c'était un rapport qui parlait de l'absentéisme, du temps de travail, et qui avait pour conséquence de nous supprimer des RTT et des congés. Et de là, ensuite, il y a eu un tract de FO qui a tourné. Et ensuite, il y a eu une AG. C'était quel jour déjà l'AG ? Le mardi 29 novembre. Voilà. Ensuite, la semaine d'après, on a fait grève le mercredi. Une grève très suivie. Ça a duré jusqu'au vendredi, au moment où le maire a décidé de lâcher les propositions sur les congés. Aïe, on veut du changement. On veut du changement. On veut du changement. Aïe, on veut du changement. On apprend par un tract de FO qui veulent nous retirer 11 jours entre les congés, les RTT, les journées du maire, plus une semaine de congé médaille. Alors la semaine de congé médaille, c'est quand tu as bossé 20 ans à la mairie de Saint-Denis, tu as le droit à une semaine de congé par an, qui est une sorte de reconnaissance de la pénibilité du travail, puis de l'ancienneté aussi dans la ville, quoi. C'est, voilà. Et ça a été gagné de haute lutte. Hein, voilà. Et puis aussi un mois de pré-retraite qu'ils veulent supprimer. Donc en fait, on a 3 mois. Tu l'expliques, Chantal ? Congé de fin de l'activité. Tu as un jour par année travaillé, ce qui te donne droit à tant de jours, mais ça, c'est statutaire. Et à la ville de Saint-Denis, on a un mois de plus. Donc 3 mois avant, on peut partir à la retraite. En fait, voilà, ça s'appelle des congés de fin d'activité. Et la mairie voulait sucrer un mois sur ces 2 mois-là. Sur ces 3 mois-là. Sur ces 3 mois-là, oui, sur ces 3 mois-là. Donc voilà, et bon, en plus les 6 RTT, tout ça, tout ce que vient de dire Amel là, aujourd'hui. Et donc ça a créé un gros tollé au niveau du personnel et des organisations syndicales aussi d'ailleurs. En fait, ce qui s'est passé, c'est que d'abord il y a FO qui a sorti ce tract-là en disant ils veulent supprimer plein de congés. Donc au niveau de Sud, on l'a pris donc du coup en même temps que les autres salariés. Tout le monde était furax dans la mairie, à tous les étages en fait. Ça arrivait dans les brancards. Que ce soit dans les écoles, dans les centres de loisirs, à la DRH, à la COM, à l'état civil, dans vraiment tous les services, toutes les catégories ABC étaient en colère et on s'est retrouvés à 500. Alors oui, nous, on a déposé un préavis de grève. Le 29 novembre, c'était une journée d'action nationale de la fonction publique. Comme FO appelait à une AG et posait 3 heures d'information syndicale et qu'il y avait des endroits où les gens ne pouvaient pas s'absenter pendant 3 heures sur les heures d'information syndicale, nous, on a déposé un préavis de grève à la DRH, disant que le 29 novembre, il faut aller à l'AG de FO, et disant dans le préavis, on appelle tous les collègues à converger à l'AG de FO et à pousser pour une intersyndicale. Et ce qui est intéressant à la mairie de Saint-Denis, c'est qu'en fait, on s'est battu il y a quelques années pour que nos préavis soient bien diffusés dans toutes les directions, comme les autres syndicats. Il y a eu de la répression par rapport à ça, mais on a réussi à imposer ça. Et donc, du coup, c'est par ce préavis qui a circulé dans toutes les directions, donc ça a été le travail de la DRH, que des collègues ont su qu'on appelait à rejoindre l'AG, et voilà. Et on s'est retrouvé à 500. Et donc, on s'est retrouvé à 500 en AG. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'AG ? Ben, à l'AG, la colère des salariés, enfin des employés de la ville de Saint-Denis était vraiment très, très... C'était énorme, c'était intense ce jour-là. Toutes catégories confondues A, B, C, et même des cadres, des non-cadres, en fait, c'était vraiment... il a été voté un appel à la grève pour... il faut 5 jours francs à la ville, enfin, de la fonction publique territoriale, pour déposer un préavis. Donc le préavis de grève est parti ce jour-là, pour le mercredi 7 d'après, voilà. Décisions ont été prises là. Enfin, l'AG était assez... c'était spectaculaire, en fait, cet AG, parce que à la tribune, il n'y avait que CGT et FO. Et ils nous ont fait le PowerPoint de la mairie, en fait. Et c'était contradictoire, ce qui se ressentait dans la salle. Ouais. C'était fou. Et bon, je pense qu'à un moment donné, ils s'en sont aperçus. Et du coup, bon, ils ont essayé de... Voilà. Et du coup, nous, on est rentrés dans l'AG juste après, dans l'intersyndicale juste après. Et la CFDT est arrivée aussi un peu après nous. Donc du coup, c'est bien parce qu'il y a eu une dynamique là-dessus. Et c'était parti, quoi. Ça y est, on était parti dans le mouvement. Et, ça crée, c'est bien, ça crée du lien, en fait, ça crée plein de belles choses. Il y avait des collègues qui étaient tellement en colère qu'ils étaient prêts à partir en grève sans préavis, en fait. Moi, j'ai jamais vécu ça. Et l'intersyndicale, pareil. Mmh. Donc CGT, FO, Sud, CFDT, ça n'a jamais existé à la mairie de Saint-Denis non plus. C'est vrai que ce qui est intéressant justement dans ce mouvement, c'est spontané. Hein. Ce mouvement collectif, c'est vrai que fait 7 ans que je suis à la ville, par exemple, c'est la première fois que je vois ça. Quoi. Ça veut dire que les conchés aussi s'inscrivent aussi dans la culture au niveau local, hein, des luttes ouvrières qui ont été gagnées, du droit à se reposer. Et c'est bien, c'est important, très important, par rapport à tout ce qu'on nous dit sur la fosse publique et tout, etc. Donc c'était un beau mouvement. Et là, ça a été du pain béni pour nous, quoi. Personne n'a compris comment la mairie peut s'attaquer comme ça, d'une façon aussi autoritaire, à tous les salariés de la ville. Parce que d'habitude ils sont un peu plus malins, ils s'attaquent à un service, ils font un service d'un côté, puis ils en font un autre d'un autre côté. Du coup, on a du mal à mobiliser les gens. C'est compliqué d'essayer de. Enfin voilà, les gens ils se mobilisent pour des choses qui les concernent directement. Et là, ils ont, je sais pas qui est leur chargé de com ou qui s'occupe de ça, mais je pense qu'il a pas tellement assuré le gars, quoi. Et pour les salariés, la mobilisation ça a été immédiat. Mais je pense qu'en fait, ils comptaient aussi sur un truc, c'est que l'état de la ville, il est particulier. C'est que, historiquement, c'était la CGT qui était le premier syndicat. Aux dernières élections, FO est passé devant. Donc ça, c'est vraiment un séisme par rapport à l'histoire communiste de Saint-Denis où le PC et la CGT sont liés. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que la CGT est sous tutelle parce qu'il y a beaucoup de conflits, c'est très compliqué. Donc ils sont pas en pleine forme. Donc ils se sont dit... un syndicat FO, qui n'est pas forcément combatif, une CGT qui est pieds et poings liés, un syndicat Sud qui est très faible et une CFDT qui est quasiment inexistante, on peut y aller comme on veut, quoi. Sauf que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'il y a une tradition de lutte, en fait. Il y a une conscience ouvrière, enfin, il y a une conscience de classe, quand même, qui existe à la mairie de Saint-Denis. Les gens ne bossent pas ici par hasard. Et que, par exemple, sur la loi travail, on a fait 2500 journées de grève, nous, les communaux, alors que la loi travail, ça nous touchait ça nous touchait en fait, hein, parce que sur les médecins préventifs, ça nous touchait, mais pas comme dans le privé, quoi. Donc quand les gens font autant de journées de grève, c'est qu'à la fois ils souffrent au travail et qu'ils profitent de la grève pour s'arrêter. Donc ça pose question, c'est-à-dire qu'on parle de l'absentéisme. Il y a des gens dans les écoles, il y a beaucoup de gens qui font grève quand il y a des journées de grève aussi pour se reposer. Enfin, il y a ça aussi, c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne les voit pas dans les manifs. Et puis il y a aussi une conscience ouvrière qu'on a vue devant la mairie. On s'est retrouvés tous les midis, là, de mercredi, jeudi et vendredi. Enfin, les collègues, ils étaient... hyper remontée, quoi. Et il disait qu'une mairie de gauche n'a pas à faire ça, qu'elle trahit son héritage, quoi. Aïe, on veut du changement. On veut du changement. On veut du changement. Aïe, on veut du changement. Bon, et puis ils ont senti la douille, les gens, parce que on leur parle d'absentéisme d'un côté. Avec un chiffre, il y avait dans le document de 10% de taux d'absentéisme pour raison médicale, c'est ce qui était marqué dans leur document à la mairie. Donc ça veut dire que ça concerne un problème minoritaire, il faut s'y intéresser. Et puis ensuite, il y a la question du temps de travail, et au final, on te dit qu'il faut retirer des congés payés. Donc ça aussi, je pense que c'est pas du tout passé parce qu'il y a une incohérence complète. La seule cohérence que l'on peut voir, nous, c'est qu'en fait, ils nous mettent une douille, quoi. Ouais, ils veulent nous mettre une petite carotte parce que c'est le moment de faire de nous des gens qui soient tout simplement asservis, voilà, à la politique d'austérité, enfin la politique antisociale sous couvert d'austérité économique, qui fait qu'à un moment donné, on subit au quotidien dans l'entourage. Mais là, en plus de ça, ça touchait fondamentalement des droits que tout le monde n'a pas. Et voilà, trop, c'est trop. Donc je pense que dans les interventions qu'il y avait dans les AG, ou même dans la délégation de jeudi par exemple, où il y a deux salariés de la ville qui sont venus, c'est ce qui voilà, c'est le ras-le-bol, c'est les conditions de travail, c'est la fatigue. Et ça, par contre, ça apparaît pas du tout dans le projet, quoi. Projet très bureaucratique, objectif, c'est très vaseux, hein, rien de concret. Hein. Je veux dire, d'ailleurs, qu'on est en délégation sur ces questions-là, par exemple, on dit, voilà, le temps de travail, s'il faut... Nous, on considère que le temps de travail, techniquement, ça permet de créer du travail. On a besoin de services publics, c'est une question qui se pose aujourd'hui. On en a besoin, par exemple, pour la propreté. On ne verrait pas pourquoi on devrait confier ça à Veolia. On en a besoin pour la jeunesse, pour la petite enfance. Il y a besoin de plus de crèches, par exemple. Donc, à un moment donné... ces questions-là, on les a mis sur la table, quoi. Et les élus en face, ils étaient tout simplement égarés, quoi, un peu. Parce que Et le problème, c'est que leur principal argument pour amener cette réforme, c'est de dire qu'il y a trop d'absentéisme à la ville de Saint-Denis. Sauf que ce taux d'absentéisme, c'est eux qui le créent indirectement parce que ça fait des années qu'ils ne remplacent plus les gens. Et forcément, les collègues, quand ils font le boulot de 2 personnes, de 3 personnes, et ben, au bout d'un moment, ils n'en peuvent plus. Et ils s'arrêtent. Et il y a aussi un espèce de ras-le-bol parce qu'il y a aussi une stratégie de culpabiliser les gens. Je parle surtout des gens qui travaillent en contact des enfants, à savoir les ATSEM, les gens qui font le ménage dans les écoles, les gens qui font à manger pour les enfants, les gens qui leur servent à manger, de leur dire, bah ouais, mais si vous travaillez pas, vous remplacez pas votre collègue qui est pas là, vous faites pas le travail de 2, 3 personnes, eh ben, les gamins, ils vont pas avoir à bouffer, ils vont avoir des sales, ils vont pas pouvoir travailler dans des bonnes conditions, et tout ça. Et j'ai l'impression que ce truc-là finit par ne plus marcher, c'est-à-dire que les gens en ont vraiment marre et ne veulent plus faire d'efforts et ne veulent plus en faire pour 3, pour 4, quoi. Et effectivement, cette réponse de bah, « comme vous êtes trop absent, on va vous enlever des congés », elle est juste insupportable et insoutenable pour les salariés. C'est une insulte. Ouais. C'est vraiment, on vous considère comme des moins que rien et des feignantes. Des feignantes parce qu'il y a beaucoup c'est de nanas. C'est bien d'être feignante. Mais ouais, c'est... C'est pas grave d'être feignante. Ouais, de feignante. Travaillons moins pour travailler tous, quoi. Merde. Et mieux. Et mieux. Au fond, près du radiateur. Justement, on parle de feignants et tout ça. Il y a un cliché, voilà, vous êtes fonctionnaires municipaux, il y a un cliché sur les fonctionnaires, c'est les fonctionnaires sont des feignants, les fonctionnaires sont des privilégiés, les fonctionnaires connaissent pas ce que c'est la réalité du monde du travail. Par exemple, moi je travaille dans le privé, je peux entendre ce genre de choses, tu vois. Et en fait... Est-ce que vous pouvez parler un peu de la réalité de votre travail ? Déjà, il y a ce qu'on vient d'évoquer, les sous-effectifs. Même le fait que la ville de Saint-Denis fait que augmenter en termes d'habitants, alors que le nombre de personnes qui travaillent dans les services sociaux ou dans tous les services de la ville sont restés les mêmes, je ne sais pas depuis combien d'années, quoi. Et par exemple, c'est 120 000 habitants, la ville de Saint-Denis, maintenant. 110 000 officiellement. Ouais, 110 000. Et du coup, ouais, la réalité de votre travail, si vous pouvez en parler un peu pour démonter ce cliché-là. Mais en fait, dans la fonction publique territoriale, déjà, nos salaires sont gelés depuis des décennies. Donc les gens qui sont en fin de carrière et catégorie C, qui ont des travaux pénibles, comme les agents qui travaillent dans les écoles, les animateurs, enfin, le service en face, tout ce qui touche réellement au public... leur salaire et leurs conditions de travail se sont dégradées, mais alors puissance 10 depuis plus de 20 ans, quoi. C'est vraiment l'hécatombe. Les agents ne sont pas remplacés, les départs en retraite, les postes sont c'est terminé. Donc les gens travaillent pour 2-3, comme te disait Natacha tout à l'heure. Les salaires aujourd'hui, moi j'ai 20 ans de ville, je cache pas mon salaire, je suis à 1 600 €. 1 600 euros au bout de 20 ans, mon salaire, les gens qui arrivent aujourd'hui, ils gagnent presque plus que moi, puisque le SMIC a augmenté, mais pas nous. Toi, tu es gardienne dans une école. Je suis gardienne d'école, ouais. Donc ouais. Voilà, c'est pas énorme au bout de 20 ans. Et tu fais des horaires, des fois, pas possibles. T'es là, tu veux un service public de qualité, tu te bats pour avoir ça, tu veux montrer justement à la population que t'es pas un feignant et que t'es là. Et la population le reconnaît. La municipalité dit ça, enfin... Le maire se dit, voilà, il y a trop d'absentéisme à la ville de Saint-Denis. Il lui dit ça à la population, mais en fait, il ne reconnaît pas. Il y a une non-reconnaissance aussi de nos conditions de travail. Et ça, ça ne peut pas passer. Au bout d'un moment, après, tu n'es plus motivé, tu es gris à ton boulot. Et pourtant, tu te forces, tu y vas tous les jours et tu le fais. Mais quand tu fais le travail de 2, de 3, en plus, les agents, il y a une population vieillissante. Les gens sont, enfin au service, dans mon service, la plupart sont des nanas qui ont 50 ans, majorité, et donc t'es cassé de partout. T'as des maladies musculo-squelettiques, l'usure de tout le temps frotter les tables, t'as les épaules qui sont usées, le dos cassé, tout ça. Et tout ça, au bout d'un moment, tu peux plus, et tu fais le travail de ta collègue, et bien voilà, ça... Ça craque énorme. Mais dans les bureaux, c'est pareil. Hein. Dans les bureaux, c'est la même chose. Il n'y a pas cette pénibilité de là, de gestes et postures. Mais ils remplacent pas, c'est pareil. Ils ont la tête dans le guidon toute la journée. Ils ont la pression des chefs au-dessus, management autoritaire. Mais ça, Amel va le détailler mieux tout à l'heure. ils craquent. Il y a des burn-out. Il y a énormément de burn-out au centre administratif de plus en plus. Je croise des collègues qui me disent, je sors d'un burn-out. Je viens d'avoir un burn-out. J'ai des collègues qui sont là aujourd'hui, qui ont tout pété, qui ont pété les plombs, parce qu'on les assène de travail toute la journée. Ceux qui travaillent en bas, l'état civil, c'est pareil. Ils se font malmener parce que la population aussi, elle est de plus en plus pauvre ici, à Saint-Denis. Et du coup, les gens sont énervés. On est dans la misère. Donc forcément, ils ont encore plus besoin du service public. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de précarité à Saint-Denis. Oui, ouais. C'est ça, ouais. Aussi, ouais. Et ça, c'est vraiment à tous les niveaux, ouais, parce que moi, je le vois, je suis ce qu'on appelle un cadre intermédiaire. Donc c'est celui qui est entre les deux, là, qui s'en prend dans tous les sens. Ouais. Et c'est catastrophique. Enfin, moi, je suis directrice de centre de loisirs. Mes collègues, je sais pas, le burn-out, c'est quotidien, quoi. Enfin, c'est un truc qu'on va commencer à apprendre à vivre avec. Moi, je fais, je sais pas, à peu près entre 3 et 6 heures d'heures supplémentaires par semaine, parce que sinon je peux pas faire mon boulot, en fait. Je peux pas assumer mon taf. Et même les cadres, ceux qui sont au-dessus de moi, j'ai discuté quand on était au rassemblement samedi dernier devant la mairie, par rapport au conseil municipal sur ce mouvement-là, une collègue qui discutait avec moi, qui prend son bras, qui dit « Bah tiens, voilà, il y a une collègue qui vient de m'envoyer un message, donc ça veut dire qu'elle bosse le samedi, quoi. » On en est là, et c'est à tous les niveaux. Et c'est une espèce de je sais pas comment exprimer un truc assez malsain, où on charge la mule tellement à un point qu'on se dit c'est pas possible, et puis si on n'y arrive pas, c'est parce qu'on est nul, donc on y va, et puis on est un peu fou aussi parce qu'on a des convictions, parce que c'est des secteurs où voilà, on travaille avec des enfants, on accueille du public. Donc si je fais pas le boulot, ça veut dire que les animateurs ils peuvent pas faire le boulot, ça veut dire qu'il y a pas le service pour les gamins, ça veut dire qu'il y a pas le service pour le public. Donc on fait jusqu'au moment où ça craque, et puis on craque, et puis après on revient, et puis on est sous médoc, et puis voilà quoi, c'est un espèce d'état du travail qui est en train de changer et qui est quand même assez inquiétant quoi. Je voulais poser une question aussi, c'est notamment dans la réalité du travail à la ville de Saint-Denis, il y a énormément de précariat aussi, de contrats précaires, on n'en a pas tellement parlé jusque-là. Je sais que quand tu travailles par exemple en tant que vacataire, et que tu sors du travail et que tu vois une affiche des JC contre des jeunesses communistes, où c'est marqué « contre la précarité chez les jeunes », et que tu sais que ton employeur il fait partie du parti communiste et que tu as un contrat précaire, ça te fait vite fait sourire. Et je sais pas comment dire, en fait, je crois que ça se développe massivement encore, que le statut de fonctionnaire municipal, c'est dur de l'avoir, il faut être titularisé, il faut passer un concours, et que de plus en plus, ils embauchent des gens en contrat précaire ou comme contractuel, quoi, pour parler un peu de cette réalité aussi. Ils sont sur une ligne gestionnaire dure, et ça, pour moi, ça montre qu'à l'avenir, ils se donnent la marge pour justement évacuer par exemple des ponctuels qui n'ont pas de contrat mais qui sont appelés à la journée. Donc ça marche pour les cantines, mais ça marche aussi pour les soirées et les mercredis. Les vacataires ont un contrat à l'année, voilà. Puis ensuite il y a encore une autre ligne de précarité avec des CDD pendant un an, on appelle ça des agents temporaires, qui ont des droits fonctionnaires pendant un an, c'est-à-dire que ça doit être reconduit. Et puis il y a ceux qui sont titulaires, et nous encore dans l'animation on passe titulaire sans passer de concours. Grâce à la lutte qu'il y a eu aussi auparavant des animateurs en 98, si je ne dis pas de bêtises, 96, voilà. Il faut savoir qu'à la ville de Saint-Denis, il y a 3000 employés, et sur les 3000 employés, plus de la moitié sont non titulaires. Donc il ne reste pas énorme de titulaires. Aujourd'hui aussi, en plus, ils ont créé les contrats, les CDI, les fameux CDI de la fonction publique, qui a été signé par les organisations syndicales confédérées. C'est vraiment énorme d'avoir laissé passer ça. C'est vraiment, ça a été vraiment la casse, là, vraiment, ça commence à casse du service public. Donc, du coup, de fait, eh bien, dans la fonction publique, tu peux rentrer, il y a des postes, tu peux rentrer sans concours ni diplôme en catégorie C. Mais sauf que ces postes-là ne sont plus, il faut qu'ils soient vacants. Mais aujourd'hui, un départ, le poste est supprimé. Donc, il n'y a plus de poste vacant, en fait. Il n'y a quasiment plus. C'est très, très rare. Enfin, ça devient de plus en plus rare. Et donc, il y a des agents qui sont embauchés pour remplacer des agents momentanément absents, ou il y a des agents qui sont embauchés parce qu'il y a un manque d'effectifs et que ça râlait un peu beaucoup, ou il y a des créations de postes. Ils ont ouvert pas mal d'écoles. C'est vrai, ils construisent. Il y a une école par an qui a été ouverte. Ça a créé, normalement, ça devrait créer de l'embauche. Sauf que ça n'en crée pas tant que ça, parce qu'ils ont fermé d'autres services à côté, et le personnel des services à côté a été intégré dans les nouveaux, enfin, nouvelles écoles qui viennent d'ouvrir. Donc, à l'époque, on l'avait dénoncé, ça. Une école ouverte, enfin, dans mon service, on était 477 agents. Trois écoles ont ouvert, on est toujours 477 agents. C'est pas possible, il devrait y en avoir beaucoup plus. Et donc, ils ont fait des postes aussi à double emploi. Dans les services, dans mon service, il y avait des agents d'office, il y avait des agents élémentaires qui faisaient le ménage, et il y a des ASEM. Ils ont coupé le poste en deux. Et en fait, ils ont fait ASEM office ou entretien office. En fait, le personnel va faire le ménage dans les classes et ensuite va travailler en office ou l'inverse. Ils vont en office, ils vont faire les classes ce soir. Enfin, ils ont fait des économies comme ça. Après, bon, ça peut se comprendre. On est soi-disant à 63% du budget de la ville. Mais Saint-Denis, masse salariale, ouais. Saint-Denis, c'est une grande ville. Il faut qu'ils se donnent les moyens. Soit ils construisent et ils mettent du personnel en conséquence. Et un service public de qualité comme ils se vantent d'avoir. Ils veulent garder ce service public, mais en fait, le service de qualité, le personnel n'en peut plus. Le personnel craque aujourd'hui. Il n'y a pas assez de moyens humains, je répète, humains. Et c'est important de le savoir, ça. Ouais, voilà. Puis le chef, c'est des moutons. Parce que ce sont des gens. Bah, c'est ce que j'ai dit en délégation, hein, mais là, on était moi. Je n'ai pas dit que c'était des moutons, parce qu'alors là, il y aura eu. J'aurais dit, à un moment donné, ils sont payés pour faire. Ils sont payés quand même pour faire un taf. Là, moi, j'ai la fiche des salaires des élus, de leur indemnité. Voilà, à un moment donné, on est en droit de leur exiger quand même qu'ils fassent leur travail. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le dénominateur commun, c'est la contrainte budgétaire. Et donc, moi, ce que j'aurais demandé, c'est qu'ils aillent chercher le pognon, parce que, comme tu disais aussi tout à l'heure, ils sont contre l'austérité économique. On a de l'argent, il y en a plein. Des évadés fiscaux, là, il y en a plein. Puisque service public, c'est quand même quelque chose d'élémentaire. C'est l'accès aux droits fondamentaux, les hôpitaux, les écoles, les centres de loisirs, les centres de santé municipaux aussi, les bibliothèques. C'est bien gentil de mettre des affiches, mais quand tu es responsable d'une équipe de 3000 agents, tu vois, parce qu'à un moment donné, quand même, il faut penser à leur dire que t'es pas à ce poste-là par hasard non plus, quoi, tu vois. Sinon, ils ont raison de penser que tu es juste un carriériste. Et malheureusement, c'est l'image qu'ils nous renvoient. Que du coup, ils ne remplacent pas les salariés, qu'ils ne remplacent pas les... le nombre d'agents diminue en fonction du nombre d'habitants qui arrivent sur la ville, c'est aussi une stratégie de casser le service public et de dire... Sans l'assumer et de finir par dire « ça ne fonctionne pas » et du coup, ils veulent privatiser parce que l'objectif, il est là en fait. Mmh. À long terme, il est là. Il est de privatiser le ménage dans les écoles, il est de privatiser... Et donc virer tous les précaires. Et de virer tous les précaires. C'est déjà ce qu'ils ont fait, notamment au nettoyage. On en parlait, Veolia et tout ça, qui fait le ramassage des poubelles. Mmh. Ou à la piscine, la piscine La Baleine. Maintenant, c'est une entreprise privée, je ne sais plus comment ça s'appelle. Equalia. C'est une catastrophe. Ça, c'est une catastrophe. Et même pour le service des gamins, parce que depuis qu'il y a Equalia, en fait, moi, je travaille dans les centres de loisirs, et Loïc, tu diras pas le contraire. Depuis que c'est Equalia, combien on a de piscines qui sont réservées aux gamins ? Une, depuis 2 ans. Voilà, ça a été diminué de, je sais pas, il y en a 3 à 4 fois moins, et peut-être que je suis encore loin du chiffre, quoi. Aïe, on veut du changement. On veut du changement, on veut du changement, aïe, on veut du changement. On veut du changement, sans se mentir, du rangement, sans se metteur en scène qui nous classe dans des logements. Et si seulement on pouvait tellement tout changer avec un seul mot, même si c'est dit salement. Ils veulent nous voir au bout du rouleau, morale à zéro, demander de l'aide, un sale déroulé. Pendant qu'on bat de l'aile, un bat de bled, un pas de plus, 100 bac plus. pas de blême alors qu'un tas de gus s'en battent plus. Triste époque, le moral brise tes potes, évise tes côtes, remonte ton froc. Te laisse pas faire négro si on te provoque. En ton temps, même si c'est dur, c'est pas une aventure. Personne va te dire quand c'est mort et que tu vas droit dans le mur. Beaucoup sont morts ou errent dans la rue sans repère. Beaucoup sont foutus à la dasse, sans remède, sans repère. Aucune victoire sans retrait. Crois en toi, sois concret. Évite l'écoute, te traîne, mais plutôt d'écoute, te tais. Sois entêté, y'a un mec têtu qui rentre dedans à tue-tête. Prends-toi la tête sur ton vécu et n'accepte pas la défaite. Sur l'asphalte, les mamouettes dans le périmètre, ça se yeut. Fais gaffe au contrôle de la vague qui débarque en meute. On veut du changement, sans se mentir, du rangement. Sans se metteur en scène qui nous classe dans des logements. Et si seulement on pouvait tellement tout changer avec un seul mot, même si c'est dit salement. On veut du changement, sans se mentir, du rangement. Sans se metteur en scène qui nous classe dans des logements. Et si seulement on pouvait tellement tout changer avec un seul mot, même si c'est dit salement. Retour en marche arrière, sur fond d'une époque charnière, on a fait sauter les chaumières. Dans les quartiers populaires, état d'esprit missionnaire, visionnaire, débranche ton cellulaire, faut que t'accélères. Si tu vois que c'est l'heure, strict rustler, du son pour les hustlers. Donc laisse-les poser sur le chromis sans compromis, puis exposer. De Saint-Denis à Paris, ça s'organise pour exploser. Passionné de chromi, fais pas le tomi, laisse poser. Pas équipé, coupé sport. T'inquiète, le disque on le sort. Sans label ni sponsor, on veut tous s'en sortir. On garde l'espoir, de façon. Le rap c'est sans amorti, y'a pas de mal, passons. Le temps presse, décompresse, laisse nous fumer le stress. Feu de détresse, ça bombarde, sans connaître l'adresse. Depuis l'époque on lâche rien, on est tous sereins. Déterminés des vrais chiens, lâchés sur le terrain. On veut du changement, sans se mentir, du rangement. Sans se metteur en scène qui nous classe dans des logements. Et si seulement on pouvait tellement tout changer. Vous écoutez l'émission Au fond près du radiateur. Du coup, il y a eu cette annonce de projet d'augmentation du temps de travail, de supprimer des congés, de fliquer les agents et tout ça. Et direct, il y a eu l'Assemblée Générale dont vous parlez, où, qui a réuni 500 personnes, tous les syndicats de la ville et tout ça, les syndiqués, les non-syndiqués, des précaires, des contrats titulaires, des fonctionnaires, des non-fonctionnaires, etc. Donc c'était un moment qui était très fort et très beau. Et franchement, en trois jours, vous avez gagné tellement le mouvement, il était fort, tu vois. Et je sais pas si on peut en parler de ça, tu vois. En 10 jours, il fallait le construire. C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord le tract de FO, le préavis de Sud, on tractait dans les services, l'AG, on était 500. Et le mercredi, donc on a continué à tracter jusqu'à la mobilisation du mercredi. L'Amérique envoie deux fois des mails aux agents pour dire « Nous avons retiré le projet, tout va bien, ne vous inquiétez pas ». Voilà. Sauf que nous, on était reçus en délégation de temps à autre. Ils nous recevaient tout le temps, d'ailleurs, ce n'était pas le problème. Mais qu'en fait, ils ne voulaient pas... et mettre à l'écrit noir sur blanc qu'ils ne toucheraient pas nos congés. Donc on voyait bien l'arnaque venir. C'est-à-dire qu'en fait, ils disaient « on retire tout notre projet », mais ça ne veut pas dire qu'ils reviennent avec un autre projet ou ils ne suppriment pas les congés. Donc là, on n'était pas d'accord. Et le mercredi, on s'est trouvés donc, en débrayage devant la mairie ou en grève à 800. Voilà. Donc c'est un truc historique. Enfin, après, il faut regarder dans les annales de l'histoire de Saint-Denis, mais moi, ça fait 17 ans que j'y travaille. Mmh. J'ai jamais vu que... Toi, ça fait un peu plus longtemps. Ouais, moi j'ai vu ça en 95, mais il n'y avait que la CGT qui était forte à cette époque-là. Et donc, c'était la Sécu, je crois. C'était Manu sur la Sécu et à Saint-Denis. 95, c'est les retraites. Ou les retraites, oui. Ouais, j'ai vu du moins dans le centre administratif. C'était blindé à craquer. Mais là, ouais, mercredi, en fait, ils ont été dépassés par ça. Ils ne s'attendaient pas. Parce que le mardi, ils ont sondé, ils ont vu le nombre de grévistes, ils ont flippé. Et donc, ils ont envoyé des mails à tout le monde en disant on retire le projet, mais on y reviendra en janvier. Donc, on n'est pas dupes. Personne n'aurait, de toute façon, été dupe là-dessus. Donc, le mouvement a eu lieu mercredi. Ils nous ont reçus. On est sortis des négociations. En fait, on a claqué la porte. Là. Voilà, nous, c'était retrait sur la phrase ne touchez pas à nos congés. Ils n'ont pas voulu. On est sortis. Donc, on s'est redonné le rendez-vous le lendemain. Et la belle dynamique, c'est que l'intersyndicale, elle a été honnête jusqu'au bout. Il n'y a pas eu. C'est ça qui est bien, en fait, quelque part. Il y a, voilà, parce qu'il y avait 800 personnes derrière. Ouais, aussi, voilà. Exactement. Ouais. C'est comme en 36, mais voilà. Les syndicats, tu vois, parce que c'est les salariés qui sont en lutte qui l'avaient. Voilà. C'était le mandat de l'AG, le mandat des salariés. Exactement, et il n'y avait pas à chipoter là-dessus. C'était le mandat des salariés, quoi. Exactement. Et donc, le lendemain, on a été reçus. Donc, pareil, ils campent sur leur position et nous sur les nôtres. Et le jeudi soir, non, mardi soir, c'était, je ne sais plus quand, la semaine dernière, pareil, ils ont envoyé à 4h un mail à tout le monde disant... La veille de la mobilisation du grand mercredi. Ouais. On retire. Et donc, il y a quand même des gens qui avaient cru à se dire, on retire le projet, donc c'est bon, on a gagné. Alors nous, on a refait un tour chez tout le monde en disant, non, on maintient le mouvement. C'est municipal. Ouais. Et oui, on a été aussi au conseil municipal, et là, c'était le samedi. Donc le samedi, on a été à la passation de pouvoir du nouveau maire. Ils ne voulaient pas nous laisser rentrer, donc, mais ils ne connaissent pas, hein, Sud, on passe partout. au-delà des syndicats, c'est notre maison, la mairie, on y travaille, quoi, donc on sait comment y rentrer. Il faut arrêter, c'est chez nous. Il y avait du monde aussi sur le parvis. Bon, pour nous compter, on devait être une centaine d'employés. Mais il y a une mobilisation aussi, les parents nous ont soutenus, Sud Éduc nous a soutenus, les unions locales nous ont soutenus, l'Union locale Sud nous a soutenus. Enfin, ça vraiment, il y a eu vraiment un élan des habitants aussi derrière, parce qu'ils veulent un service public de qualité. Et voilà, donc il y a une mémoire ouvrière qu'il faut respecter ici, et donc on sera en grève à partir de mercredi et tous les midis devant la mairie jusqu'à ce qu'il lâche, et on appelle les habitants à être là. Parce qu'une des orientations qu'on a à Sud, c'est de penser qu'on ne peut pas défendre le service public sans le faire avec les habitants, les usagers. Enfin, il y a de moins en moins de gens syndiqués, il y a de moins en moins de gens qui font grève, et nous on défend le service public, donc il faut que les gens... pour à qui on le donne, eh ben, ils soient au courant de comment il est mis à mal et qu'ils le défendent aussi. Et ce qui est intéressant chez les territoriaux, c'est que nos patrons, c'est des élus, et les patrons de nos élus, c'est les habitants, quoi. Et donc, si on fait avec les habitants, eh ben, on peut gagner. Et je pense qu'il faut aussi qu'on apprenne à avoir un autre syndicalisme qui fait avec les gens pour lesquels on bosse et qu'on voit tous les jours, quoi. Et ça, c'est très propre au territoire de Saint-Denis, parce que c'est la ville de France où il y a le plus de salariés qui vivent dans la ville. Et 40% des travailleurs de la mairie de Saint-Denis vivent à Saint-Denis. Et ce qui fait que les gens vivent, travaillent pour la ville, vivent dans cette ville, créent des relations avec les gens, créent et sont en général souvent sur des secteurs militants aussi, et vont aller défendre des écoles, vont aller défendre des squats autogérés qui sont attaqués, vont aller défendre des sans-papiers, des gens qui sont à la rue, des gens qui sont des copements. Voilà, enfin, il y a tout un tas de réseaux associatifs, militants, des habitants qui sont aussi au sein des salariés de la ville. Et ça, c'est quelque chose avec lequel les élus n'ont pas le choix, ils sont obligés de faire avec, quoi. Et donc à la dernière négociation, le jeudi, avant qu'on les voie le vendredi, on leur a dit, écoutez, premièrement, on vous a fait la démonstration qu'on avait les communaux qui étaient mobilisés super fort. Deuxièmement, vous avez même des élus qui sont contre vous, dans votre majorité. Ça commence à craquer. Et troisièmement, on va vous faire maintenant la démonstration que les habitants sont avec nous. Donc, et vous allez être isolés et vous allez vous rendre compte que ce que vous avez fait, c'est une vraie bêtise. Et que ce que Fillon veut faire dans quelques mois, vous n'avez pas à le mettre en place vous-même. Donc voilà, et bien, le on est sorti de là, de cette négociation-là, sans rien. Et donc le vendredi, rebelote, on a remis ça. On s'est retrouvés à 11h avec beaucoup, il y avait beaucoup d'employés. Tout le monde est venu, enfin, employés, habitants, pas mal de personnes. Et on est reçus par la municipalité. Là, cette fois-ci, c'était le maire en personne qui nous a reçus et qui nous annonce qu'il retirait... la phrase sur « on touche pas à nos congés ». Il ne touche pas à nos congés. Et il est prêt à renégocier, à reparler tout le reste. Il y aura des groupes de travail, là. Enfin, les groupes de travail, on sait ce que c'est. Bon, on va être vigilant, il faut être surtout vigilant. Et donc, bon, sur ce coup-là, on a gagné. Sur ce coup-là, on a gagné. Mais, il y a toujours un mais. ils vont revenir dessus, par la petite porte. Mais, cette fois-là, on a montré qu'on avait un rapport de force énorme, ouais. Et qu'il n'est pas prêt de flincher et qu'ils n'ont pas intérêt à nous la faire à l'envers. Parce que s'ils nous la font à l'envers, ça sera deux fois plus puissant. Et ça, je les mets en garde là-dessus. Voilà. C'est-à-dire que les collègues étaient tellement enthousiastes vendredi devant la mairie. Vraiment, il y avait un truc de ouf, quoi. En plus, le maire est sorti pour lire sa déclaration. Donc, ils sont engagés même physiquement par rapport au congé. Si jamais il touche à un des congés, ça va faire un boomerang. C'est-à-dire que la force de la mobilisation et l'enthousiasme qu'il avait à avoir gagné, il va se le prendre dans la figure avec la même puissance, si ce n'est plus. C'est-à-dire que si jamais il nous retire un seul jour de nos congés, le premier tract qui va sortir, c'est « ils nous ont menti ». garantie, quoi. Donc ça, c'est pas possible de tenir là-dessus. Après, sur la précarité, on va devoir avoir... On a beaucoup de boulot, quoi. Et même, de toute manière, ça engage que l'équipe municipale jusqu'en 2020, parce qu'en 2020, ils risquent de se retrouver au chômage, tous ces gens-là ont récupéré leur ancien travail, je sais rien. Parce que donc ça veut dire que c'est une solution sur le court terme là. On a une victoire. Par contre, franchement, là où je me dis c'est magnifique, je pense à tous les gens et le jour même, le mercredi là, quand c'est rassemblé, les gens qui faisaient grève et le lendemain je les ai vus, je dis t'étais pas rassemblement. Ah mais ça sert à rien de manifester. Je dis mais pourquoi tu fais grève, hein? Ah non, mais parce que je suis d'accord. Et là, le fait que des gens se soient montrés collectivement, bien qu'ils représentent quand même une masse critique, parce que c'est voilà, pour moi, c'est ça, c'est une masse critique, tu vois, à un moment donné, qui n'a pas forcément des revendications claires, tu vois, comme on pourrait le voir dans le mouvement social, etc. Mais en tout cas, une résistance, tu vois. Et ça m'a tellement fait plaisir que de voir le maire dire, bah c'est bon, là, en fait, on a compris, on s'y est mal pris, hein, que je pense à tous ces gens qui m'ont dit pendant tant d'années, ça sert à rien de faire grève et ça sert à rien de manifester. J'ai une pensée pour eux, franchement. Je les aime. Merci beaucoup. Merci. Fin du game. Les gonzesses sont à nous. Mais c'est vrai que là, le deuxième match, ça va être effectivement leur comment ils appellent ça déjà, leur comité de pilotage. Mais là, ça va être compliqué. Sauf que en même temps, les gens qui sont mobilisés, ils vont être à l'affût. Et puis les réunites aiguës et les comités de pilotage, on en a déjà eu. On sait déjà tous que c'est des trucs qui sont déjà décidés et que ça marche pas. Du coup, vous avez des retours des collègues parce que justement, ils avaient exprimé en AG des choses fortes sur leurs conditions de travail. Ils ont mené une lutte pendant 3 jours, hyper joyeuse en plus, parce qu'il y avait une grosse ambiance devant la mairie de Saint-Denis. Enfin, moi, je suis passée, il y avait pas mal d'habitants qui passaient et qui étaient scotchés de voir autant de monde. Et en plus, voilà. Et du coup, est-ce que vous avez des retours? Est-ce que ce qui a été dit aussi en AG par rapport à leurs conditions de travail, qui vont pas disparaître tout de suite, quoi? Est-ce que ça... L'idée, c'est d'en reparler, de se revoir, de monter quelque chose. Je parle de pour ce que je connais des animateurs. Il y a une parole qui est en train un peu de se libérer, ouais. Quand même. J'ai une collègue qui a 25 ans, tu vois. Comme les autres, je l'ai saoulé avec la politique, tu vois, parce que je n'aimais pas parler d'autre chose, en fait. Et je l'ai vue à la table des négociations, tu vois, et elle a dit son mal-être et tout. Et franchement, c'était sincère, c'est la sincérité, tu vois. C'est et c'est ça à un moment donné, quoi. Faut arrêter de croire qu'on est toujours heureux, machin et tout. Non, c'est pareil. On souffre aussi et on a le droit de dire qu'on souffre, quoi. Je veux dire, c'est bon, je suis pas une victime. Au contraire, je résiste, je fais grève, j'essaye de penser du mieux possible pour justement aussi mettre du sens à ce travail et puis pour faire taire des bouches, parce qu'on est obligé, malheureusement, à un moment donné, quoi. Je veux dire, faut redescendre sur terre. Mais bon, il y a tout. Pour moi, tout ça, c'est positif, quoi. Déjà, ça, voilà. Et j'espère que ça va amener à... Par contre, après, en termes d'organisation, faire des AG, j'ai fait passer le message. Voilà, parce qu'il y en a plein, des animateurs, ils ne sont pas syndiqués. J'aurais dit, c'est à nous maintenant de dire, bah, il faut une AG, machin, bah, on est avec les syndicats, machin et tout, mais c'est à nous aussi de mettre un rapport de force en place, une organisation en place. Je ne sais pas, après, si ça va se faire ou pas, parce que de toute façon... Il y a encore beaucoup de choses qui vont venir, y compris les coûts de la mairie, hein, les coûts de la mairie. Donc peut-être cette question-là va se poser au fur et à mesure. Pour l'instant, après, moi, j'ai pas plus de retours que ça des collègues, comme c'est vendredi, on reprend demain, parce qu'on travaille pas le week-end. Par contre, on milite le week-end. Moi, je vous assure qu'on milite le week-end. Ah ouais, je suis honnête pas tout le temps, moi. Hein. Je vais être honnête pas tout le temps, parce que j'aime bien être feignant aussi. Voilà, ça n'empêche pas de penser non plus. On n'en a pas encore discuté entre nous sur comment on va faire là, parce qu'effectivement c'était vendredi, donc on est dimanche, c'est assez chaud, quoi. Mais je pense qu'il faut qu'on voit là, on a déjà, il y a un tract intersyndical qui parle, voilà, qui remercie tous les collègues et qui dit pas merci patron, mais qui dit merci la lutte, quoi. Non, mais c'est important, quoi. Enfin, tu vois, pour remettre les choses un peu à leur place, Et après, je pense qu'il faut qu'on... on n'en a pas discuté, mais peut-être qu'on veut proposer une intersyndicale pour voir si on ne peut pas se battre sur d'autres choses ensemble, quoi. Il faut pousser à des choses... Et puis nous aussi, on va faire le tour des services pour dire aux gens, il faut syndiquer, quoi. Parce que plus les syndicats sont puissants, plus tu as de capacité aussi à faire des tournées syndicales et informer les gens sur comment on s'organise, quoi. Enfin, c'est le béaba, quoi. Mais les réseaux sociaux, c'est bien, mais c'est la discussion de vive voix, quoi. Donc il y a vachement de taf quand même. Hein. On est un petit syndicat. On a été un peu un aiguillon dans la lutte, quoi. On a un peu poussé un peu la lutte sur la démocratie, sur la gauche, sur la combativité, sur les habitants. Et ça, on ne s'est pas lâché les uns les autres, quoi. Après, c'est vrai que ce qui va arriver à la mairie, ça va être des attaques, quoi. Au fond, près du radiateur. Il y a des glaces à la cantine. Après, ce qui est positif justement dans l'AG, c'est aussi qu'il y avait du caractère. Alors, je dirais pas que... L'AG, c'est l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale, ouais. Ouais. Moi, je m'étais mis en haut. Toi, j'avais pas spécialement envie d'intervenir. Je voulais juste voir comment c'était. Déjà, j'étais content de voir autant de monde. Et puis, t'as des gens, toi, ils sont exprimés. Mais je me suis dit, c'est pas la majorité des gens, quoi. Mais il y a beaucoup de gens quand même qui s'expriment. Voilà, et ça, je trouve que c'est positif pour l'avenir, quoi, parce que c'est je sais pas, il y en a qui sont syndiqués, pas syndiqués, mais c'est eux qui vont pousser à faire quelque chose. Donc, j'espère qu'on va avoir d'autres AG, pour le coup. Moi, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que je pense, il faut qu'il y ait d'autres AG, parce que c'est là où t'apprends, en fait, tout simplement. Voilà, t'es pas tout seul, t'apprends là, t'es dans l'air collectif, et ça implique une responsabilité, du coup, aussi, à comment on agit après. Voilà. Mais après, je pense que c'est dans les conversations qu'on va réussir ensemble à. Voilà, à avoir une stratégie d'unité, quoi, pour se défendre, pour résister. Si ça vous dit un mot de la fin pour conclure ou quoi, en deux minutes. Ben en tout cas, ce mouvement, il a créé une solidarité entre les salariés, il a créé de l'optimisme, de se dire que voilà, 3 jours de grève, ça marche. Et cette intersyndicale aussi qui a été historique et qui fait quand même vraiment du bien dans la tête des salariés, je pense que ça va nous aider effectivement pour les prochaines luttes à venir. Ouais. Et puis ce qui était aussi vachement bien dans cette lutte, c'est qu'il y avait quand même pas mal de femmes très actives et que ça s'est vu. Enfin, moi j'ai eu plein de textos de camarades de l'éducation qui c'était les ATSEM, ouais, vive les femmes. La grève, elle est portée. Bon, il y avait la plupart des secrétaires syndicaux sont des mecs à la mairie Saint-Denis, bon, sauf à une, mais au-delà de ça, c'était quand même des nénettes qui prenaient le micro beaucoup, qui animaient, qui faisaient des tournées. Enfin, ça, c'est aussi un signe de vitalité quand même dans un mouvement social, quoi, non ? Ah, c'est ouais. Clair. Donc, vive les femmes, toi. Ouais, voilà. Vive les femmes, vive les travailleurs et travailleuses en lutte. Un mot de la fin, bah, j'espère que c'est la première fois que je vis ça, j'espère que c'est pas la dernière. Et puis une pensée, j'ai le droit maintenant, c'est vrai maintenant ce que je dis, donc c'est vrai. Si on est nombreux à un moment donné, tu vois, si on se parle, si on commence à penser poétique, peut-être qu'on pourra se mettre à l'abri de certaines choses qui nous arrivent en pleine face, qui sait. Hein. En tout cas, c'est possible. Comme quoi, il faut aussi savoir à un moment donné regarder les choses en face, et ça, c'est une très belle expérience qu'on a vécue et c'est cool. Ouais, c'est vrai. Cette intersyndicale, elle était vraiment. Bon, il y avait des enjeux derrière pour chacun des syndicats, mais. Et puis, il y avait des personnes devant. Mais ça a permis une chose, ça a permis que ça peut se refaire. On va avoir du boulot à venir, là. C'est vrai, il ne faut pas se leurrer. Hein. L'avenir n'est pas rose du tout. Et je pense qu'il va falloir qu'on se serre les coudes. Mais je pense que les agents à la ville de Saint-Denis, il y a quand même cette culture-là de résistance. Mmh. Et ça, on ne va pas nous l'enlever. Et de respect. Et ça, c'est vraiment très fort. Et Saint-Denis, il faut que ça reste comme ça et on est les meilleurs. Voilà. On est en Ligue des Champions. Voilà, vous êtes de retour dans l'émission. Au fond, près du radiateur, on remercie voilà, tous les grévistes qui nous ont permis d'avoir ce son-là et qui nous ont parlé un peu de leur combat. Nous, on va finir cette émission sur un point un peu plus positif. On a Tonio qui est unico gris avec nous ce soir. Ouais, je pense que c'était positif aussi, Tom. C'est une lutte gagnée. C'est toujours dans le délire. On est dans du positif là avant les fêtes. Il faut. Tu nous as ramené un son. Voilà, tu viens de sortir un album. Je te présente rapidement un peu. Voilà. Tu viens de sortir un album. On aimerait bien voilà approfondir avec toi un petit peu ce sujet-là, les conditions de cet album. Malheureusement, il nous reste 5 minutes. Du coup, tu nous as sélectionné un son. Si tu peux nous en parler très rapidement avant qu'on se l'écoute. Ben le son, il s'appelle La Nuit. Il a été fait avec le cœur, il a été fait la nuit, et puis il a été fait par Unico Gris, c'est-à-dire moi-même. Et voilà, je suis content de vous le ramener, les potos. Voilà, j'étais pas là depuis un moment, je t'ai fait sur ce son. C'est avec plaisir que je vous le présente. Voilà, et la nuit. L'album, il s'appelle ? L'album s'appelle D'hier à demain, et il est téléchargeable, écoutable, gratuitement sur le Bandcamp. Voilà. Et la prod, c'est qui ? La prod, c'est moi-même, donc, et donc avec tout un tas de petits samples et de petites joyeusetés comme ça. Et une petite ligne de basse fait maison aussi. Voilà. Ah, tout ce qu'on aime, on écoute ça tout de suite au fond près du radiateur. Merci les gars. The nights. La nuit. La nuit. La nuit, on ressent la vie. La nuit porte conseil sur ses épaules. Quand le jour se repose, quand cauchemar et rêve se frôlent, on se dit qu'on est peu de choses. La nuit on ressent la vie, on sait ce qui rend les hommes fous. On se méfie des autres vu que beaucoup sont comme nous. Un peu fêlés, prêts à tout piller. Ouais, rien à foutre que l'or brille. Je dors, je vis, je fais l'instru, je la torpille. Leur logique horrible te montre que le non-sens les motive. Ils le sponsorisent avec leur tête de lettres de motive. L'hypocrite leitmotiv de ce monde moderne s'attaque à l'intime. Ils s'attardent sur un signe, mais tous leurs codes sont liés, que tu reconnaisses leur insigne. Ouais. Souvent soit marionnette, soit tout le reste tient qu'à un fil. Leur réussite est sans intrigue, relation père-fils, perfide, bien triste. L'horreur retouchée pour donner l'image bien lisse. Nous, on peut plus passer dessous. Leur monde est en marche, on peut tous passer dessous. T'es mort ou t'es fou si tu rends pas les coups. Mais si tu les rends en mode bas les couilles, tu seras les deux, ils compteront pas les douilles. On en est là mon gars, même avec la IA. Je vois pas la vie en rose. Prêt à mourir pour ce que je crois, mais je crois plus en grand chose. Mais c'est naturel quand je pose, leur mascarade prend l'eau. Elles sont mouillées les poules et te mettent les couteaux dans le dos. Ça ou les déquisses. Mais on existe, on résiste. On aimerait que nos vies s'embellissent en restant nous-mêmes, sans jouer le jeu de ceux qui nous bernent. Sans jouer, sans plonger pour un singer. Mieux vaut avoir qu'être à la santé. C'est pour les frères et sœurs enfermés entiers. Je nique les banquiers, les rentiers, les riches sans les envier. C'est pour mes gens vrais, un blé en galère. De janvier à janvier, l'éternel est sans blé. On sait que trahir, c'est se tirer une balle dans le pied. Déterminé mais pas inconscient face au danger. Y'a toujours des obstacles enjambés. Ainsi s'anime ma plume. Depuis que l'absurde fait partie de mes calculs. Depuis que j'ai pas de thunes, je vole, je l'assume. Mais jamais ceux que j'aime. Ouais, voilà ce que je vis. J'ai rien que mes valeurs et quelques problèmes. Donc on m'aime pour ce que je suis. Je nique l'industrie dans mes poèmes. Mais j'aime les bons scuds, les scuds, les ovnis. Ma zik est belle, blême, ouais, c'est le reflet de nos nuits. Tu connais le thème, c'est la phase B de nos cris. Réel, que des phrases clés pour t'apporter la clarté de nos vies. En aparté, autour d'un tarpé à tarter. Toujours un peu d'Oui, au fond de nos puits. Unico Gris, alias Antoine. Pour mes OGs, mes original ganja man. À nos concerts, les galériens sont dans la salle et sur scène. Ça surine et ça sort des rimes superbes. Y'a que les jaloux qui ruminent quand les MC se succèdent. Oui c'est ultime, je suis high, oui j'ai plus d'air. Mais juste à poser sur le riddim et je sors du tunnel. La nuit on ressent la vie. La nuit porte conseil sur ses épaules. Quand le jour se repose, quand cauchemar et rêve se frôlent, on se dit qu'on est peu de choses. Connais le thème. Annule, le monde change. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Nous, c'est Au fond près du radiateur, le www.aufondprèsduradiateur.fr pour écouter toutes nos anciennes émissions, celle-ci également, pour retrouver nos anciens reportages, et au fond près du radiateur @no-log.org pour nous envoyer des mails, des infos, des contre-infos, des sons, tout ce que vous voulez. Un gros big up à Antoine qui est Unico Gris, à Sofiane au fond près du radiateur, là, hein, qui toujours. Nous ont rejoint, voilà, à la alors Dream Team, à Raphaël, à la technique, à tous ceux qui n'étaient pas là, à Yano, à Meuto, à Robinson, à Mouloud, à Mousse. Voilà, un gros big up à tous ceux qui nous écoutent. On espère vous retrouver mardi prochain, que vous allez passer de bonnes fêtes. Voilà, c'est aussi le moment de se blinder le bide. Et, et voilà, ça nous a fait plaisir. Nous, c'est au fond près du radiateur. On vous dit à mardi prochain. Et voilà, big up à tous. Yeah.